Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Huitième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Après plusieurs revers, conseillés par une experte en images et en communication, le ministre propose une nouvelle tactique qui pourrait le tirer d'affaire. Mais son idée est reprise sans qu'il y soit associé. Son texte a été posé sur le bureau du ministre comme convenu. Il l'a lu en diagonale et l'a fait remonter. Le cabinet du Premier ministre l'a appelé et lui ont listé tout ce qui ne pouvait pas passer. Et elle a tout refait. Toutes ses idées novatrices sont parties au recyclage. Diminuer l'extraction des fossiles, poser des limites à la déforestation, réduire les subventions des plus grands polluants, ces trois piliers ont été effacés. Tout était lisse, ambigu, général, avec beaucoup de points de suspension. Une contribution volontaire qui ne s'engageait sur rien à part les chiffres concernant la baisse des émissions sur le long terme. Ils ont fait la conférence de presse ensemble, presque main dans la main. Il était là pour exposer les idées générales et elle pour répondre aux questions spécifiques. Ils ont fait belle figure. Le texte était si difficile à lire, truffé de termes techniques, que la presse générale s'est limitée à relayer l'ambitieux objectif de réduction d'émissions. Elle avait du mal à défendre quelque chose qui ne lui appartenait plus. Elle se sentait même en situation d'échec. Mais elle arrivait à se consoler à l'idée que c'était un passage obligé vers le pouvoir. Comme elle le faisait avec cette interruption volontaire de grossesse qui s'approchait. Avec les ONG, ça a été plus dur. À nouveau, ils ont fait une réunion commune dans la salle Panorama. Et manque de bol, c'est tombé dans un jour de pic de pollution où toute la ville était engloutie dans un nuage de fumée comme à Shanghai. Monsieur le ministre, 20 millions de personnes contraintes de se déplacer à cause des changements climatiques. L'Afrique va se réchauffer de 2 degrés de plus que le reste du monde. La désertification de ce continent entraînerait un potentiel de 60 millions de déplacés en 2020. 60 millions. 300 000 personnes meurent chaque année des conséquences de ces dérèglements. Il pourrait y en avoir 100 millions vers 2030. Les îles du Pacifique font face à la montée des eaux. L'archipel des Kiribati a déjà perdu 2 îlots. Le littoral de Dakar a déjà perdu jusqu'à 1 km de terre en profondeur. Ce sont ces inégalités qui devraient être au cœur de la négociation, mais vous à la place. Vous luttez pour défendre le même modèle de développement coupable et délétère. Je connais très bien cette situation, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis enseignant aussi. J'avais même un cours sur les conséquences du réchauffement climatique. Mais vous voyez, on fait partie de tout un système, et on ne peut pas le changer tout seul. Cela se fera petit à petit. Regardez déjà le chiffre de notre engagement de réduction. C'est plus qu'ambitieux, non ? Vous parlez des émissions réalisées sans prendre en compte les émissions consommées. On va continuer à importer des produits polluants fabriqués à l'étranger. N'oublions pas que 30% des émissions émises par la Chine sont consommées dans d'autres pays. Je crois que vous seriez un très bon négociateur pour la Chine. Il sourit. Le mec de l'ONG s'énerve un peu. Elle fait semblant de lire leur rapport pour ne pas avoir à afficher une réaction. Et cette histoire de crédit carbone ? La mise en place d'un marché des droits à polluer suppose que les conséquences de l'effet de serre soient uniformément réparties. C'est-à-dire que les habitants des îles Fidji subissent les mêmes conséquences que ceux de Sibérie, mais... C'est faux. Enfin, les Fidjiens doivent élever des digues contre la montée des eaux, mais pas les Sibériens. Alors ils vont faire quoi ? Ils vont être condamnés à vendre leurs droits à polluer aux États-Unis pour financer la construction de ces digues. Vous trouvez ça normal ? Comme je vous l'ai déjà dit, nous, on est là pour défendre nos intérêts nationaux. Non, vous êtes là pour défendre vos propres intérêts et ceux qui financent vos campagnes. Un accord qui ne réduit pas le niveau de consommation, qui ne limite pas le commerce et les extractions, qui n'oblige pas à faire des investissements dans les énergies renouvelables, n'est bon que pour redorer votre image. La logique du capital ne voit que le court terme et vous les suivez. Vous ne vous engagez pas sur les 5 ans à venir pour ne pas perturber leurs affaires et surtout pour ne pas avoir à résoudre le problème sous vos mandats au risque de ne pas vous faire réélire. Ils ont avalé tous les deux ces paroles sans rien dire en dehors du langage officiel froid. Elle reconnaissait dans cette plaidoirie toutes ses idées initiales tombées à l'eau. Mais elle ne pouvait pas leur dire que tout ça figurait bien dans la version précédente. Il ne pouvait pas non plus leur dire qu'ils ne sont rien sur la cartographie de l'événement, que tout est décidé ailleurs, à un niveau où ils n'ont même pas le droit de frapper à la porte. Il ne pouvait rien leur dire. Il ne pouvait que se taire. Et leur sourire. Je suis... Venez d'entendre Redline d'Alexandra Badea. 8e épisode. Avec Tiphaine Rabaud-Fournier, la négociatrice sur le climat, Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement, Luc-Antoine Diquero et Samuel Churin, des membres d'une ONG. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Villenfin et Pierrick Charles. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Baptiste Guitton.